n'y a peut-être que ceux qui croient en Dieu qui font le bien en secret. » Et Eugène croyait en Dieu. Le lendemain, à l'heure du bal, Rastignac alla chez Madame de Beauséant, qui l'emmena pour le présenter à la duchesse de Carigliano. Il reçut le plus gracieux accueil de la maréchale, chez laquelle il retrouva Madame de Nucingen. Delphine s'était parée avec l'intention de plaire à tous pour mieux plaire à Eugène, de qui elle attendait impatiemment un coup d'œil, en croyant cacher son impatience. Pour qui sait deviner les émotions d'une femme, ce moment est plein de délices. Qui ne sait souvent plus à faire attendre son opinion, à déguiser coquettement son plaisir, à chercher des aveux dans l'inquiétude que l'on cause, à jouir des craintes qu'on dissipera par un sourire. Pendant cette fête, l'étudiant mesura tout à coup la portée de sa position et comprit qu'il avait un état dans le monde en étant cousin avoué de Madame de Beauséant. La conquête de Madame la baronne de Nucingen, qu'on lui donnait déjà, le mettait si bien en relief que tous les jeunes gens lui jetaient des regards d'envie. En en surprenant quelques-uns, il goûta les premiers plaisirs de la fatuité. En passant d'un salon dans un autre, en traversant les groupes, il entendit vanter son bonheur. Les femmes lui prédisaient tous des succès. Delphine, craignant de le perdre, lui promit de ne pas lui refuser le soir le baiser qu'elle s'était tant défendue d'accorder l'avant-veille. À ce bal, Rastignac reçut quelques engagements. Il fut présenté par sa cousine à quelques femmes qui toutes avaient des prétentions à l'élégance et dont les maisons passaient pour être agréables. Il se vit lancé dans le plus grand et le plus beau monde de Paris. Cette soirée eut donc pour lui les charmes d'un brillant début, et il devait s'en souvenir jusque dans ses vieux jours, comme une jeune fille se souvient du bal où elle a eu des triomphes.